Radio Campus, l'ambassade de la République de Pocahou en France et le consulat de Pocahou à Toulouse présent. La voix du Pocahou pour le monde entier. Minutes de culture, science et art pocajoutien à travers de Radio Pocahou International. On transmet en 35 langues pour 45 pays totalement en direct depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 45 écureuils qui courent sans arrêt dans le palais royal du Maharaja du Pocahou. Bonjour chers auditeurs, auditrices, soyez bienvenus encore une fois à la radio internationale de Pocahou, spécialement transmise pour la France à travers de Radio Campus Toulouse 94 sur la bande FM. Je suis Mélissa Suarez-El-Réal, enchantée d'être dans cette charmante cabine radiophonique battue pour faire reconnaître, même dans les endroits les plus lointains, l'histoire et, c'est vrai, aussi l'existence de notre île. Même si aujourd'hui, je ne sais pas ni l'heure qu'il est à Pocahou, ni l'heure qu'il est en France. Pourquoi ? Bon, aujourd'hui, les infos de Pocahou nous ont réveillés en annonçant une heure différente de chacun. Le service national de l'heure a été collapsé depuis toute la journée, et même le montre royal n'a pas été en service pendant toute la journée à Pocahou. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, tout le pays est devenu un vrai bordel. Les trains sont partis avec ses propres horaires, les avions ont pris l'horaire de Tuvalu, le pays le plus proche, le métro a dû casser la vitrine où il se trouvait l'horloge de secours, conçue pour une équation comme celle-ci, et évidemment, le couloir des amoureux a dû être très vigilé aujourd'hui par la police, parce que plusieurs rendez-vous ont été ratés à cause du chaos, et bon, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ça ? Bon, il y a une raison assez importante qu'on pourrait appeler tout court le cadran de Jukapo. Mais avant de vous en parler plus, je voudrais qu'on écoute un petit morceau hystérique. Ce s'appelle Where is my mind ? C'est un morceau original des Pixies, mais ici interprété par les Chajatos. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rocks, except the little fish. But he told me he swears, trying to talk to me, to me, to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? My mind. European. Animals were hiding behind the rocks, except the little fish. But he told me, he swears, tried to talk to me, to me, to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Et bon, à ce moment, on n'a pas encore résolu le problème du cadran solaire à Jucapo, et bien sûr, l'île entièrement est devenue un bordel. Mais pourquoi ça? Bon, d'abord, c'est vrai que toutes les montres, tous les horloges, tous les appareils qui donnent l'heure prennent en fait l'heure du cadran officiel, le cadran solaire placé à la Plaza Jucapotala, la place principale de Jucapo, capitale de Pocahontas. Cette machine du XVIIe siècle a été conçue par un jeune ingénieur français qui en fait avait proposé sa création à la couronne de France, son pays. Mais Louis XIV, quand il a, après 3 ans d'attente, finalement vu le cadran qu'on avait fait pour lui, est devenu furieux et a obligé en fait à Jean Valmy, cet ingénieur, à quitter la France parce qu'il était bien sûr pas très content avec les résultats. Le pauvre, ayant mis 3 ans de sa vie pour construire le cadran le plus original que l'Europe ait connu, a dû partir angoissé et très déçu avec sa plus grande création. Comme il n'avait rien à perdre, il a convaincu son copain Pierre Cerne, un navigant vraiment doué, d'aller chercher un nouveau pays où s'installer. Ayant analysé très attentivement des anciennes cartes chinoises, il a préparé une route pour aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui le Pocahontas. Maintenant, une chanson inspirée dans les pirates qui ont attaqué Valmy et Cerne pendant sa glorieuse traversée maritime. Ce s'appelle The Pirate's Gospel et c'est Alila Diane qui chante. Thank you. Eh bien, finalement, notre héros et son copain sont arrivés dans notre île. Évidemment, ils ont été touchés par la beauté du paysage et par la gentillesse des natifs pocajoutiens qui ont accepté l'installation du cadran après 2 ans de séjour finalement. Donc, ils ont commencé à assembler cet appareil magnifique. Le cadran solaire de Balmy, installé à Jukapo, est le chef d'œuvre d'un génie jamais compris. Il s'agit d'une machine très très complexe, dont le soleil est utilisé pas comme un élément pour créer des ombres, mais comme une source de chaleur qui, en combinaison avec un système de loupe, est capable de produire le mouvement d'un mécanisme très compliqué. À midi, en fait, dans le cadran solaire de Jukapo, la lumière du soleil traverse une loupe qui réchauffe des petites voies ferrées et qui déclenche le tour d'un petit train qui dure une journée entière. Les habitants de Pokajou ont été capables, pendant plus de 3 siècles, de connaître l'heure grâce à la position du train dans les voies seulement. Malheureusement, une atolandre, l'assaut le plus stupide de Pokajou, est tombée hier soir sous la loupe, l'a brisée, et cette fois, ce que la loupe a déclenché, c'est une catastrophe. Mais j'espère que tout ira très bien, et la prochaine fois qu'on s'écoutera, le cadran solaire ne sera plus en panne. Je suis Mélissa Suarez à Le Real. Je ne sais pas à quelle heure il est maintenant, mais je devrais vous quitter. Merci pour avoir écouté une autre transmission de la PKJU. Vous pouvez nous écouter toujours les dimanches à 11h30 et les mardis à 17h. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Radio Pokajou conclut sa transmission pour aujourd'hui, mais continue la semaine prochaine.